Vous êtes assez fou pour l'écouter. Pour l'écouter. 89.1. Cette semaine, au Mathieu Planchot. Dans Télévision, Télévision, Mesmer hypnotise sans vouloir un téléspectateur dans son salon. Malheureusement, ça s'est passé en France, fait que je peux pas faire de blagues sur les gens qui regardent TVA. Dans Segment Geek, c'est Elix, un piéton percuté par une voiture sans conducteur de Google pourrait rester collé à la carrosserie. Si c'était une voiture à Apple, je dirais merci, je donnerais mon portefeuille. Et dans Merci Science, les pleurs de bébé transforment le cerveau des parents. On Mathieu Planchot tout de suite. Et voici celui qui sèche vos pleurs pendant 2 heures, Mathieu Plante! Bonjour, bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 23 mai 2016, comme toujours, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine Merci Science, le segment Geek Scénix, ainsi que C'est un fait Tech Edition. On va aussi avoir une série musicale à partir de cette semaine. C'est Smooth McGroove Remix à la demande générale. Ça revient plus tard dans l'émission. Par contre, pour commencer, on écoute un petit peu de musique chiptune, c'est-à-dire inspirée par les jeux vidéo encore créés à partir de consoles de jeux vidéo. Et le premier extrait s'appelle Loophole featuring Dire Hit tout de suite. MPS, le Mathieu Plante Show, assez fou. Loophole featuring Dire Hit sur l'album Hive par Balloon Bear sur l'étiquette Cheap Beats. Ils ont 53 albums Cheap Beats jusqu'à maintenant, toujours lo-fi. Et l'artiste dans ce cas-ci, c'est Balloon Bear. Toujours Mathieu Plante Show. Maintenant, c'est le moment de parler de télévision. Voici Television, Television. I'm Television, Television, la chronique dans laquelle on parle de télévision. On commence habituellement par le Québec. Cette fois-ci, tout ce qu'il y avait, c'était la nouvelle programmation de Télé-Québec. Je pense que c'est assez accessible comme nouvelle. On va y aller à dans les choses que vous avez peut-être pas entendues. En tout cas, espérons-le. Commençons par le Canada avec des négociations difficiles avec les réalisateurs de Radio-Canada. Les négociations pour renouveler la convention collective des réalisateurs de Radio-Canada sont dans une impasse. Au cours des derniers jours, le syndicat et la direction de la Société d'État ont déposé des plaintes devant le Conseil canadien des relations industrielles pour dénoncer la mauvaise foi de l'autre partie. Selon la presse, les pourparlers ont débuté en septembre dernier, mais il n'y aurait eu aucune avancée à la table des négociations, et ce, malgré la présence récente d'un médiateur. On a affirmé plusieurs sources à la presse. La direction de Radio-Canada a confirmé les informations. Je cite, depuis le début de la négociation au mois de septembre dernier, plus d'une quinzaine de rencontres ont eu lieu, dont cinq en présence de conciliateurs nommés à la demande de Radio-Canada par le ministre de l'Emploi, du Développement, de la Main-d'œuvre et du Travail du Canada. Aucune avancée n'a été réalisée. Nous sommes en médiation depuis le 27 avril. Notre volonté à la table demeure. Nous voulons discuter et négocier de façon constructive et ouverte pour convenir d'une nouvelle convention collective. Selon la partie patronale, Radio-Canada serait en droit de décréter un lock-out depuis le 15 mai dernier, soit 21 jours après la fin du processus de conciliation. De leur côté, les réalisateurs auraient aussi le droit de recourir à la grève. Selon les sources syndicales, la direction de Radio-Canada voudrait faire table rase de la dernière convention collective dans le cadre des négociations. Dans les coulisses, la tension est palpable. Certains réalisateurs parlent même de coupe à blanc. Le déploiement de la stratégie numérique serait aussi au cœur des négociations. Plusieurs dates de rencontres sont prévues d'ici le 23 juin. On va évidemment suivre le dossier. Toujours à Radio-Canada et un petit peu moins télévision, plus du côté de la radio et de tout ce qui est numérique. Radio-Canada qui veut continuer à diffuser de la publicité sur Ici Musique. Un article de la presse canadienne. Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, nos amis du CRTC, a annoncé que Radio-Canada souhaitait prolonger de 2 ans la décision lui permettant de diffuser des publicités nationales payantes sur 2 de ses stations radio. Le CRTC avait accepté la demande de Radio-Canada en 2013, permettant ainsi la publicité payante à CBC Radio 2 et Espace Musique, aujourd'hui appelé Ici Musique, jusqu'à la fin d'août 2016. Cette décision avait cependant été accueillie négativement par les auditeurs et les membres de l'industrie, selon le CRTC. L'organisme avait déclaré au départ que Radio-Canada devrait prouver que la décision n'avait pas eu d'impact négatif sur les marchés publicitaires et n'avait pas indisposé excessivement les auditeurs s'ils souhaitaient continuer à diffuser des publicités après août 2016. Le diffuseur devait également maintenir son niveau d'investissement en radio et continuer à offrir une programmation variée et diversifiée sur ses 2 stations. Radio-Canada, qui a assuré dans sa demande d'avoir rempli ses conditions au cours de la période de 2 ans, a précisé que les 2 stations avaient rapporté des revenus de 1,1 million au cours de l'année de diffusion 2013-14, puis 1,4 million l'année suivante, bien en deçà des attentes initiales. Radio-Canada estime que les publicités pourraient rapporter des revenus de près de 2 millions dans les 2 prochaines années. Le CRTC acceptera les commentaires sur la demande de Radio-Canada jusqu'au 22 juin. Maintenant, on va aux États-Unis. Xavier Dolan va réaliser une série télé pour la Fox. Le cinéaste québécois Xavier Dolan a révélé travailler sur un projet scénarisé par Jacob Tierney et destiné à la chaîne américaine Fox. Je cite, « Les deals sont en train de se faire, c'est un gros truc, c'est quelque chose complètement éloigné de moi », a confié le réalisateur présent à Cannes pour présenter son film « Juste la fin du monde » avec Marion Cotillard, Vincent Cassel, Léa Seydoux, Gaspard Ulliel et Nathalie Bay. Ce n'est pas le seul projet télé de Xavier Dolan qui a également indiqué plancher sur l'adaptation d'un jeu de société qui prendra la forme d'une mini-série de 8 épisodes. En attendant, le réalisateur poursuit le tournage de « The Death and Life of John F. Donovan », un long métrage sur la vie tumultueuse de la star de la télé John F. Donovan. Toujours aux États-Unis, chez CBS, cette fois-ci, on recycle les vedettes pour la rentrée 2016. C'est pour faire suite aux nouvelles de la semaine passée. On avait parlé des nouvelles séries de NBC et ABC. On était en plein milieu de semaine. Il nous restait encore les nouvelles séries de CBS, CW. On a parlé de Fox aussi la semaine passée. Donc, Matt LeBlanc, Michael Weatherly, George Eads et Catherine Heigl participeront à la nouvelle saison de la chaîne américaine CBS, mise en place dès septembre prochain. C'est la chaîne la plus regardée aux États-Unis. CBS vont proposer la saison prochaine 8 nouveautés, pratiquement toutes incarnées par des visages bien connus des téléspectateurs. Ancien agent de NCIS parti cette saison, Michael Weatherly aura dès la rentrée son propre show. L'acteur deviendra la star de Bull en incarnant le Dr. Jason Bull, fondateur d'une entreprise spécialisée en conseil juridique. Ce personnage s'inspira du Dr. Phil McGraw, devenu le présentateur d'une émission de télé très populaire aux États-Unis suite à son apparition avec Oprah Winfrey dans les années 90. Après Dr. Grey, le son d'anatomie et l'échec de State of Affairs, Catherine Heigl tentera un nouveau retour à la mi-saison avec Doubt, l'histoire d'une avocate amoureuse d'un client accusé d'un odieux crime. George Eads, l'ancien de CSI Les Experts, apparaîtra dans la relance de MacGyver auprès du jeune Lucas Till, qui a été choisi pour succéder à Richard Dean Anderson dans la peau du célèbre bricoleur. Dermot Mulroney, vu dans... C'est celui qu'on confond avec... C'est qui l'autre? Voyons, il y en a un avec un nom similaire. Dermot Mulroney, en tout cas, je me rappelle pas, qu'on a vu entre autres dans Sans regret, arrivera à la rentrée sur CBS dans Pure Genius. L'acteur comprend un brillant chirurgien controversé, embauché par un milliardaire de la Silicon Valley pour lancer un hôpital révolutionnaire. Bill Paxton, qu'on connaît de Marvel, Agents of S.H.I.E.L.D., ainsi que Big Love, portera quant à lui sur ses épaules la nouvelle version télévisée de Training Day qui se montrera début 2017. L'ancienne gloire de Friends, actuellement star d'une comédie du câble Episodes, reviendra sur une grande chaîne nationale dans la comédie Man with a Plan. Le célèbre interprète de Joey jouera un père de famille qui s'impliquera davantage dans l'éducation de son enfant lorsque sa femme reprend une activité professionnelle. Deux autres comédies viendront étoffer la prochaine grille de CBS. Kevin Can Wait, un excellent jeu de mots avec Kevin Can Wait, j'adore ça, avec Kevin James, j'adore un petit peu moins, en policier à la retraite. Ainsi que The Great Indoors, un autre jeu de mots avec The Great Outdoors, l'histoire d'un journaliste qui cesse ses reportages pour s'occuper du département numérique de son magazine. À noter que la plateforme de vidéos sur demande de CBS, CBS All Access, accueillera en 2017 deux séries originales. Star Trek, imaginée par Brian Fuller avec de nouveaux personnages, fera son apparition en janvier. On a déjà parlé de ça fréquemment ici. Peu de temps après le 50e anniversaire de la saga, le dérivé d'Une femme exemplaire, The Good Wife, centré sur l'avocate Diane Lockhart, incarnée par Christine Berensky, sera quant à elle disponible au printemps. Voilà, vous pouvez voir les bandes annonces des émissions de CBS sur assemblagerequis.com. J'ai pas encore pris le temps de les regarder, contrairement à celles de NBC, ABC et Fox, que j'avais adoré. Dans ce cas-ci, CBS, pour vrai, leurs émissions m'intéressent pas mal moins. MacGyver, j'ai trouvé quand même cool. J'ai regardé la bande-annonce de MacGyver, c'est vrai. Mais le reste, c'est pas des trucs qui m'attirent. Ils font trop de dramatique. Il y a rien d'original sur CBS. Mais étant donné que c'est le réseau le plus regardé aux États-Unis, c'est un peu le TVA de la place. Il y a moins de choses qui m'attirent un peu chez CBS. J'aime mieux le côté alternatif de Fox et NBC. Maintenant, on va chez CW, une autre alternative, quoiqu'ils ont beaucoup d'émissions de super-héros en ce moment, ce qui est assez mainstream. La CW a annoncé qu'ils vont présenter un épisode crossover quadruple avec Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow et Supergirl, ce qui serait une première dans l'histoire de la télévision. Maintenant que Supergirl, on sait depuis la semaine passée, a déménagé à CW, le réseau se prépare pour un croisement entre quatre de leurs séries phares. C'est mur à mur super-héros, c'est chez CW. Donc Arrow, The Flash, Supergirl, Legends of Tomorrow... Donc, avant la présentation des Upfront, leur conférence de presse sur leur nouvelle saison, le chef de CW, Mark Pedowitz, a vanté le déménagement de Supergirl de CBS vers CW. Je cite « Imaginez ce que notre prochain épisode crossover de super-héros va ressembler en décembre », a-t-il dit aux journalistes. Plus tard, il a poursuivi en appelant l'événement notre plus grand de tous les temps. Eux, ils sont quand même habitués à des crossovers chez CW. Ils avaient fait plein de trucs avec Buffy Angel à l'époque. Pedowitz a ensuite saisi la nouvelle lors de la présentation officielle upfront de la CW. C'est pas mal trois paragraphes pour dire la même nouvelle, finalement. Je vais essayer d'aller plus loin un petit peu. Donc, Arrow a d'abord introduit Grant Gustin comme étant Barry Allen, a.k.a. The Flash, dans la saison 2 de Arrow, suivi de la saison après avec un croisement entre Arrow et The Flash. Puis les séries se sont croisées dans l'émission Legends of Tomorrow l'an dernier, alors que The Flash a également croisé Supergirl sur CBS. Wow, ça en fait des choses à retenir et ça fait des choses à écouter dans un certain ordre. On peut pas juste se taper une saison d'une et une saison de l'autre, faut le regarder comme dans le temps réel, tellement qu'il y a de croisés, de chassés-croisés. Pour rire un petit peu des upfronts, quelques nouvelles émissions qui ont été annoncées pour la saison 2016-2017. Tout nous est un petit peu familier là-dedans. Donc, Funny or Die, la chaîne de vidéos humoristiques sur Internet, a remarqué la ressemblance des émissions avec des émissions du passé. Ils ont fait une petite parodie de ça, donc on va l'écouter sur Funny or Die. Pourquoi pas? On se garde un petit peu. T'sais. Funny or Die. Hey America, are you looking for new TV shows? Est-ce que vous cherchez de nouvelles émissions télé? Eh bien, les gros réseaux ont compris avec les plus nouvelles émissions totalement originales comme The Blacklist Redemption et 24 Legacy. Des émissions dont vous vous souvenez sans la distribution que vous voulez. Vous cherchez Kiefer Sutherland? Non, il sera juste pas là. Il va se réinventer. Il va être Jack Bauer avec des lunettes dans Designated Survivor sur ABC. If you love Kevin si vous avez aimé James, Kevin James dans le rôle d'un col bleu livreur dans King of Queens, Gazu Queens, vous allez l'adorer dans le rôle d'un col bleu dans The King of Cups. Non, pardon, je veux dire Kevin Can Wait. Yes, oui, c'est automne, préparez-vous parce que la télé sur grand réseau a tout pour vous. MacGyver. Comme la nouvelle émission MacGyver. Vous vous ennuyez de Prison Break? On le ramène. Bon, on a compris le principe. On a L'Exorciste version cheap, Taken version cheap et L'Arme fatale version cheap avec Damon Wayans. What about Marlon Wayans? Pourquoi pas Marlon Wayans yep. aussi? Oui, oui, il est We aussi de retour dans Marlon. On ne peut pas avoir and assez de Wayans à la télé. New shows from last year, bon. Like Supergirl, Limitless, Hawaii 50. Une vidéo de Funny or Die, un petit peu moins drôle que j'aurais espéré dans ce cas-ci, mais bon, c'est pas grave, on peut pas avoir tous un talent d'écriture humoristique comme Mathieu Plante. Hein. continuons avec Galvan. Vous vous rappelez peut-être, en fait, si vous écoutez la télé américaine seulement, parce que ça n'a pas joué encore au Québec, mais il y avait une comédie musicale, Galvan, sur ABC, qui a été retirée des ondes après, c'était deux saisons, par manque de succès, par manque de grande cote d'écoute. Et bien, on apprend que la comédie Galvan pourrait très bien se retrouver sur une grande scène de théâtre. Hein? Le compositeur de l'émission, gagnant de Academy Award, Alan Menken, qu'on connaît pour The Little Mermaid, ainsi que Beauty and the Beast, a tweeté sur Twitter « Amour à notre distribution, à nos scripteurs, à nos fans, mais plus important, nous allons continuer de façon nombreuse. » Voilà. Hein? Il dit que c'est pas garanti. Non, en fait, il dit que c'est garanti. Il dit « Restez à l'écoute. » Voilà, donc Galavant pourrait se retrouver au théâtre pour la suite des aventures musicales au Moyen-Âge. Voilà. Ensuite, apparemment que David Lynch voulait que David Bowie soit la vedette du retour de Twin Peaks. On vient de parler de retour à la télé. Récemment décédé, David Bowie a eu un caméo assez mémorable, nous dit-on, dans Twin Peaks Fire Walk With Me, dans le rôle de l'agent du FBI, Philip Jeffries, un homme avec une vie assez bizarre entre des dimensions, je sais pas trop quoi. Donc, le Dallas Morning News a fait une entrevue avec l'acteur de Dallas, de la ville de Dallas, Eric Gertz, qui n'est pas un nom connu, mais qui est quand même reconnaissable pour les amateurs de Twin Peaks dans le rôle du député Andy Brennan. Gertz dit que David Bowie, qui a eu un petit rôle dans le spin-off de 1992, Twin Peaks Fire Walk With Me, était supposé revenir faire un autre caméo, mais ça n'a pas eu lieu avant la mort du chanteur et acteur. C'est bien malheureux, mais on n'a pas de détails de plus que ça. C'est juste un petit bribe comme ça. On parle rarement de télé-réalité aussi mainstream que ça, mais The Voice, la voix aux États-Unis, était supposée avoir une performance entre Christina Aguilera et Whitney Houston en hologramme. Oui, le duo posthume hommage que devait présenter Christina Aguilera en compagnie de Whitney Houston hologramme a finalement été retiré de la grande finale de The Voice aux États-Unis. Celle qui siège également comme juge à l'émission s'est finalement vue bloquer la diffusion de ce numéro unique par la succession de Whitney Houston, rapporte Bang Media International. Je cite... Les hologrammes sont une technologie nouvelle qui prend du temps à perfectionner. Nous croyons qu'avec les artistes de calibre iconique, il faut que ce soit parfait. L'héritage de Whitney et ses fans dévoués mérite la perfection. Après avoir visionné la performance, nous avons décidé que l'hologramme n'était pas prêt à être en onde. Nous avons le plus grand respect pour Christina Aguilera et elle était absolument sans faille, explique l'exécuteur de la succession de Whitney Houston. Il sera toutefois possible de visionner des extraits de ce moment unique dans l'avenir, peut-être sans le chant, je ne sais pas si c'est une question de chant. Déjà, des segments de la performance s'étaient retrouvés en ligne au cours des dernières heures. Juste avant la diffusion à la télé, mais ont été rapidement retirés des différentes plateformes web. Maintenant, The Big Bang Theory est la série la plus suivie aux États-Unis. Il vient de prendre la première place. Ça devient la série la plus suivie. Les aventures des geeks de Pasadena ont passionné 20,61 millions d'Américains cette saison sur CBS. Sheldon Cooper et ses amis passent devant NCIS, la série la plus regardée de 2015. Entre septembre 2015 et le 8 mai dernier, The Big Bang Theory a attiré en moyenne par épisode 20,61 millions de téléspectateurs en intégrant les audiences liées aux enregistrements récents. NCIS talonne la comédie avec 20,47 millions de fidèle. Succès de Fox, Empire monte sur le podium avec 16,45 millions d'Américains, reléguant NCIS Nouvelle-Orléans à la quatrième place avec 16,12 millions. La chaîne réalise une belle opération avec le retour de X-Files qui a attisé la curiosité de 13,6 millions. Dans ce classement dominé par CBS, NBC parvient à se placer parmi les 10 séries les plus populaires avec Chicago Med. Modern Family est de son côté l'unique représentant de ABC. Rien de surprenant donc à ce que CBS décroche pour la 8e année de suite le prix de la chaîne la plus regardée aux États-Unis avec 10,91 millions de téléspectateurs en moyenne par soirée. Donc voici le top 10 des séries les plus suivies aux États-Unis entre septembre 2015 et mai 2016. En commençant par la 10e position, Modern Family. Ensuite, Madam Secretary. En 8e, Chicago Med. 7e, Scorpion, 6e X-Files, Blue Bloods est en 5e, NCIS New Orleans est en 4e, ensuite Empire, NCIS et The Big Bang Theory, comme je disais, avec 20,61 millions. Retour sur une nouvelle qu'on a abordée la semaine passée un petit peu. On avait parlé de la carrière de Morley Safer et de son émission d'Au Revoir parce qu'il venait tout juste de quitter 60 Minutes. On a appris à peine quelques jours plus tard le décès de Morley Safer, l'éminent journaliste canado-américain de l'émission 60 Minutes qui avait été aux premières loges de la guerre américaine au Vietnam dans les années 60 et décédé jeudi dernier à l'âge de 84 ans selon CBS. Kevin Tedesco, porte-parole du réseau de télévision américain, n'a pas précisé les causes de son décès à sa résidence de Manhattan, mais on savait que l'état de santé du journaliste se détériorait. Il avait regardé de chez lui dimanche dernier l'hommage d'une heure que lui a consacré l'émission 60 Minutes pour son départ à la retraite. Cette émission ne comportait d'ailleurs aucune entrevue récente avec lui. Le journaliste a réalisé 919 reportages au cours de ses 46 années à l'émission phare de CBS, dont il a été rapidement le co-présentateur en alternance avec Mike Wallace. Le premier reportage de Marty Schaefer en 70 était consacré à la formation des agents de sécurité aérienne aux États-Unis. Son 919e et ultime segment, un portrait de l'architecte danois Bjarke Ingels, a été présenté en mars. Marty Schaefer a été le premier chef de bureau de Saigon de CBS News et son reportage de 1965 sur les Marines américains brûlant le village vietnamien de Cam Ne qui n'avait offert aucune résistance a marqué un point tournant dans l'opinion publique face à la guerre dans laquelle les États-Unis étaient empêtrés. Le président américain Lyndon Johnson avait engueulé le président de CBS. Il a laissé entendre que le journaliste Marty Schaefer avait des accointances communistes qui l'avaient poussé à mettre en scène ce reportage. Le journaliste a soutenu par la suite que le Pentagone l'avait traité avec mépris tout au long de sa carrière. En 70, après trois autres années à Londres, il est rappelé à New York pour être le co-présentateur d'une émission d'affaires publiques née trois ans auparavant et qui traînait de la patte dans les codes d'écoute. On parle de 60 Minutes. Il est resté là-bas pendant 46 ans. Au cours de sa carrière de journaliste qui s'était rendue sur 61 ans, Marley, de sa voix riche mais éraillée, pouvait tout aussi habilement interviewer les célébrités que débusquer les coquins. L'un de ses reportages favoris a permis la libération d'un Américain condamné à la prison à perpétuité pour un vol à main armée de $50 qu'il n'avait pas commis. Né à Toronto en 1931, Marty Schaefer a d'abord travaillé pour divers médias au Canada, puis pour l'agence Reuters à Londres. Correspondant de la CBC en Europe à compter de 1955, c'est lui qui a notamment relaté pour les Canadiens la construction du mur de Berlin de 1961. La salle de nouvelles de CBS l'a embauché en 1964 comme correspondant à Londres, puis il ouvrait l'année suivante le bureau du réseau américain à Saigon. Marty Schaefer a reçu le prix du journalisme Robert F. Kennedy pour son reportage de 2001 sur une école de l'Arizona qui accueille les enfants sans-abri. Il a aussi reçu le prix du journalisme George Foster Peabody à 3 reprises et 12 prix de télévision Emmy. Son compère Mike Wallace, qui avait pris sa retraite en 2006 à l'âge de 88 ans, est décédé en 2012. Donc l'équipe de 60 Minutes, petit peu par petit peu, va nous quitter, malheureusement. On va à l'international maintenant. Vincent Bolloré va crypter presque tout Canal+. On a parlé un petit peu la semaine passée. Après avoir menacé de fermer Canal+, Vincent Bolloré dit que la chaîne peut être sauvée. Paradoxalement, pour que son avenir s'éclaircisse, elle devra passer largement en crypté. L'avenir de Canal+ ne sera pas en clair. C'est ce qu'a laissé entendre Vincent Bolloré, le patron de Vivendi et propriétaire de la chaîne, dans une entrevue aux Échos. Sans obligation réglementaire et alors que les autres chaînes payantes n'ont pas de tranche en clair, l'homme entend rendre un arbitrage sur ce sujet dès l'été. Pour ceux qui suivent pas trop les nouvelles françaises, en clair, ça veut dire que l'émission est disponible pour tout le monde, alors que quand c'est crypté, il y a un peu comme dans le temps, un super écran ou Canal Famille, là, c'est brouillé un petit peu. Donc on peut entendre mais pas voir l'image. À ce jour, Canal Plus diffuse 5 heures de programme gratuitement et a déjà réduit cette plage d'une heure au cours de la saison. Pour Vincent Bolloré, l'enjeu est de stopper l'hémorragie d'abonnés qui a dépassé les 200 000 départs en 6 mois. La bonne méthode pour générer de l'abonnement, dit-il, c'est au contraire de commencer à diffuser un match en clair, puis de basculer en crypté. Tu sais, c'est un petit peu chien. Hein? Tu commences à diffuser un match de soccer et en cours de route, ça devient crypté pour que les gens s'abonnent. C'est un peu bas, je trouve. Mais bon. Ces derniers temps, la tranche en clair du soir a été fragilisée par le départ de Yann Barthès et de son petit journal, alors que les guignols de l'info sont déjà passés au crypté l'année d'avant et que les audiences du grand journal sont mauvaises. Pour Bolloré, le relèvement de Canal+ a commencé avec le renouvellement de tout l'état-major. La prochaine étape est d'obtenir de la concurrence et la diffusion exclusive de beIN Sports, une chaîne sportive. Concernant la chaîne d'information en continu ITV, Vincent Bolloré a balayé les rumeurs de revanche car elle est en perte, en réaffirmant sa volonté de la redéployer en capitalisant sur les forces du groupe Vivendi. Voilà. Toujours à l'international, Mesmer hypnotise sans le vouloir un téléspectateur dans son salon. Ça s'est passé à Parentis-en-Born, dans le sud-ouest de la France. Un téléspectateur a dû avoir recours au service des pompiers après avoir été hypnotisé par Mesmer via son téléviseur. Son épouse avoue avoir ri un bon coup de voir son époux être pris au jeu de Mesmer jusqu'à ce qu'elle réalise que les effets étaient plus graves que ce qu'elle avait envisagé au départ. Elle a éteint le téléviseur et alerté les secours. Avant que les pompiers débarquent chez elle, la femme était parvenue à débloquer son mari en s'adressant à lui sur un ton fort et sévère. Il serait resté une heure sans bouger d'un seul poil. Le téléspectateur n'a pas été reconduit à l'hôpital comme son état semblait stable à l'arrivée des ambulanciers. La cause exacte de l'incident n'a pas été confirmée par un médecin. L'homme hypnotisé a précisé avoir eu très peur et il avoue qu'il était conscient mais qu'il ne pouvait plus bouger ses membres. La chaîne TF1 a diffusé l'émission Star sous hypnose dans laquelle Mesmer hypnotisait plusieurs personnalités et les amenait à poser des gestes cocasses et inusités. Il y a une version américaine qui s'en vient de cette mission-là bientôt, donc je sais pas si ça va sûrement venir au Québec dans 2-3 ans, comme ils ont fait avec Ce soir, tout est permis et d'autres émissions qu'on adapte, Dieu merci, vraiment trop en retard. Ensuite, on va sur Internet maintenant avec Robin Wright, la grosse nouvelle de la semaine passée qui exigeait le même salaire que les hommes. L'actrice Robin Wright, la vedette de House of Cards sur Netflix, est fière de faire avancer la cause de l'équité salariale à Hollywood. Alors que depuis quelques mois, il est question des salaires qui ne sont pas comparables entre hommes et femmes dans l'industrie du cinéma, celle qui campe le rôle de Claire Underwood démontre qu'il est possible de faire changer les choses. Dans un entretien avec le magazine Marie Claire, Robin Wright explique qu'elle a fait des démarches auprès des producteurs pour que son salaire soit majoré comme celui de Kevin Spacey. Je cite... Je regardais les statistiques qui révélaient que le personnage de Claire Underwood était plus populaire que celui de Frank Underwood, alors j'ai capitalisé là-dessus. Elle a pas tort, c'est le personnage qui est plus apprécié des gens, peut-être que tu mérites plus d'argent. Et je suis complètement pour l'équité salariale. Mais je déteste quand les gens disent ça. Je suis pas raciste, en tant que tel, Kevin Spacey est un énorme nom à Hollywood, donc peut-être que c'était normal au départ d'avoir un meilleur salaire, mais maintenant que les saisons avancent, peut-être qu'en effet Claire Underwood se démarque plus, donc oui, de venir à côté le salaire, je suis d'accord avec ça, hein? Donc l'actrice affirme qu'elle touchait 420 000 $ par épisode pour tenir son rôle, alors que son partenaire de jeu lui gagnait 500 000 $. Devant ce fait, elle a confronté ses patrons en disant « Je leur ai dit qu'ils devaient me payer plus cher, sinon je sortirais sur la place publique. » Ah ah! Les menaces, ça fonctionne! La cinquième saison de House of Cards a pris l'affiche en janvier sur Netflix. Robin Wright a d'ailleurs été mise en nomination lors des derniers Golden Globe Awards au titre de la meilleure actrice dans un rôle principal. Tant mieux pour elle, félicitations. Netflix et Amazon pourraient faire face à des quotas en Europe. Les services de vidéo sur demande seront forcés de s'assurer qu'au moins 20% de leur catalogue soit composé de productions européennes, selon de nouvelles règles déposées par la Commission européenne. Cette proposition s'inscrit dans ce que Bruxelles nomme le marché unique numérique, sa stratégie visant en partie à promouvoir l'industrie cinématographique européenne et à veiller à ce que ses citoyens aient accès à du contenu produit localement, aux côtés des films et téléséries produits aux États-Unis qui prédominent chez Netflix et Amazon. La version actualisée de la réglementation de l'Union européenne en matière d'audiovisuel imposera ainsi à ces plateformes numériques de consacrer 20% de leur contenu à des productions européennes. En présentant la proposition, Günther Oettinger, commissaire européen pour l'économie et la société numérique, a d'ailleurs souligné que Netflix dévouait déjà 21% de son catalogue à du contenu européen. Des quotas similaires sont déjà imposés par divers membres de l'Union européenne, mais avec une variation de 10 à 60% selon les territoires. Toujours dans le cadre de cette réglementation, les États membres auront aussi la possibilité d'obliger les services de vidéo sur demande opérant sur leur territoire à contribuer financièrement à la production audiovisuelle. Encore une fois, Netflix semble avoir anticipé le coup en investissant déjà dans du contenu européen, notamment dans la série Marseille, l'énorme flop mettant en vedette Gérard Depardieu. Enfin, les services de vidéo sur demande devront également assumer la responsabilité de la protection des mineurs, notamment face aux contenus préjudiciables tels que la pornographie et la violence, en plus de protéger les citoyens de toute incitation à la haine. Pour ce faire, de nouveaux outils devront être déployés afin de permettre le signalement du contenu offensant et un meilleur contrôle parental sur l'accès au catalogue. Avant d'entrer en vigueur, cette proposition devra être approuvée par le Parlement et le Conseil de l'Union européenne, constitué de représentants de chacun des États membres. On se demande évidemment qu'est-ce qui se passe au Canada. Ceux qui ont déjà parcouru le catalogue de Netflix savent déjà que le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes n'impose toujours pas de quotas à ce type de service. En fait, dans l'espoir de permettre à des entreprises canadiennes issues du secteur de la câble-distribution de mieux concurrencer avec le géant américain, le CRTC a adopté une stratégie à l'inverse de celle dévoilée par la Commission européenne. Le Conseil a ainsi assoupli sa réglementation en mars 2015, laissant le champ libre à Bell avec son Crave TV, ainsi que Rogers avec Show Me, de damer le pion à Netflix en renchérissant sur les droits de distribution exclusifs de contenu convoité par les spectateurs. Parallèlement à cette annonce, le CRTC a réduit du même souffle les quotas d'émissions canadiennes devant être diffusés par les stations de télévision locales et les chaînes spécialisées. Toutefois, ces dernières sont toujours tenues d'investir un certain montant de leur chiffre d'affaires dans des productions canadiennes. On rappelle sur l'article de branchezvous.com qu'en 2014, Netflix niait que le CRTC avait une quelconque autorité sur son entreprise et ses activités, mais selon toute vraisemblance, cette position demeure inchangée. Il n'y a pas de mais, finalement. Cette position demeure inchangée. Voilà. Donc, article de branchezvous. Allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Il y a des liens vers d'autres articles qui donnent plus d'informations. Voilà, c'est tout pour Television. Retournons en chiptune, on s'en va entendre la trame sonore au complet du jeu, du petit jeu mobile, en fait, Memory Match and Catch. Une trame sonore qui dure 10 minutes environ. Super court, super entraînant, c'est fait pour avoir envie de jouer au jeu. Donc, écoutons ça. C'est par Ryan Richko, Memory Match and Catch, tout de suite. Au Mathieu Plancho, sur C'est... 89.1. C'était la trame sonore de Memory Match and Catch qu'on vient d'entendre par Ryan Richco. Vous pouvez retrouver tout ça sur assemblagerockey.com. On a entendu Main Theme, World Map, City, Farm, Ocean, Rainforest. Une pièce de Juna Lati qui collabore aussi à l'album avec Savannah. Ensuite, Arctic et deux autres pièces de Juna Lati, Space et Prehistoric. Je sais pas pourquoi il les a pas mis ensemble, mes pièces, mais bon. C'est un jeu pour enfants, Memory Match and Catch, comme vous l'avez peut-être remarqué par la musique, mais c'est vraiment cool. Il a aussi composé Ryan Richco et la trame sonore de Drag and Drop. Donc, allez voir ça sur assemblagerockey.com. Maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, c'est la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister et on commence par un petit peu d'animaux. Avec le coup de la girafe qui est enfin expliqué par la génétique. La comparaison des génomes de la girafe et de son proche cousin, l'okapi, a permis d'identifier des gènes qui expliquent l'exceptionnelle anatomie de la girafe. Car avoir de longues jambes et un long cou impose aussi des contraintes au système cardiovasculaire et musculo-squelettique. L'origine du long cou et des longues jambes de la girafe intrigue l'humanité depuis bien longtemps. Il a même été l'objet de conflits entre les théories de Lamarck et de Darwin. Mais cette anatomie particulière a aussi un véritable est aussi un véritable défi pour le système cardiovasculaire avec un cœur qui doit envoyer du sang au cerveau situé 2 mètres plus haut ou des vaisseaux qui doivent s'adapter à un changement rapide de pression si la girafe baisse la tête pour boire. Ce sont aussi des contraintes pour le système musculo-squelettique qui doit supporter la masse d'un corps allongé à la verticale et pour le système nerveux qui doit relayer l'information rapidement partout. Donc, des chercheurs ont séquencé les génomes de la girafe Maasai et de l'okapi, son proche cousin, lui aussi la famille des girafidés, et les ont comparés avec d'autres mammifères. La recherche menée par Douglas Kavanagh de la Penn State University et Maurice Agaba du Nelson Mandela African Institute of Science and Technology en Tanzanie est parue dans Nature Communications. Il y a une grande proximité des séquences de la girafe et de l'okapi, comme l'explique Douglas Kavanagh sur CBS News. Je cite, « Les séquences génétiques de l'okapi sont très semblables à celles de la girafe parce que l'okapi et la girafe ont divergé d'un ancêtre commun il y a seulement 11 à 12 millions d'années. » Ce qui est relativement récent sur l'échelle de temps de l'évolution. Mais l'okapi n'a ni le long cou ni les longues jambes de la girafe. Grâce à des comparaisons, les chercheurs ont sélectionné 70 gènes de la girafe qui suggéraient une adaptation évolutive comme des modifications de séquences protéiques qui pouvaient changer la fonction de la protéine. Plus de la moitié de ces 70 séquences codaient pour des protéines qui contrôlent le développement du squelette, du système cardiovasculaire ou nerveux. Parmi les 70 gènes identifiés, le FGFRL1 a particulièrement intéressé les chercheurs car il est essentiel au développement normal du squelette et du système cardiovasculaire chez les humains et la souris. Trois gènes homéotiques ont aussi été identifiés, le HOXP3, CDX4 et NOTO. Comme certains contrôlent à la fois le développement du squelette et du système cardiovasculaire, la stature et le système cardiovasculaire ont probablement évolué en parallèle grâce à des modifications touchant un petit nombre de gènes. Les solutions trouvées par la girafe pour adapter sa physiologie à sa taille pourraient être utiles au traitement de maladies cardiovasculaires ou aux problèmes d'hypertension chez les humains. Des gènes du métabolisme mitochondrial et du transport des acides gras volatiles ont également divergé chez la girafe. Ils pourraient être liés à son régime alimentaire particulier qui comprend des plantes toxiques. Cette recherche fondamentale a aussi comme objectif de sensibiliser le public aux menaces qui pèsent aujourd'hui sur les girafes. Je cite, « On espère que la publication du génome de la girafe et les indices sur sa biologie unique attirera l'attention sur cette espèce au vu de la récente baisse brutale des populations de girafes. En effet, depuis 2000, les populations de girafes ont diminué de 40% en raison du braconnage et de la perte d'habitat. » Maintenant, de minuscules organismes qui ont un énorme effet sur le climat. Les scientifiques ont découvert comment un groupe de bactéries océaniques contribue à réguler le climat de la Terre. Ces micro-organismes fabriquent massivement un composé influent sur la formation des nuages qui s'appelle le diméthylsulfure. Tout en subvenant à leurs besoins de petites et prolifiques bactéries marines du groupe SR11, appartenant à la classe des alpha-protéobactéries, participent à la régulation du climat. Cela parce qu'elles libèrent un gaz au cours de la dégradation biochimique qu'elles effectuent sur les substances organiques. Au cours de cette réaction, l'un des déchets qu'elles produisent est le diméthylsulfure, le DMS. Des chercheurs viennent d'identifier et de caractériser cette propriété dans un article paru dans Nature Microbiology. Je cite, « Notre recherche montre comment un composé appelé diméthylsulfonylpropionate, le DMSP, qui est fabriqué en grande quantité par le plancton marin, est ensuite décomposé en DMS par ces organismes océaniques minuscules. Les bactéries ont recours à une enzyme appelée DMSP lyase de type cupine, révèle l'article, c'est-à-dire une protéine qui catalyse la rupture de différentes liaisons chimiques des molécules de DMSP. L'autre produit de la réaction est le méthanéthiol, un gaz incolore de la famille des thiols, dont l'odeur rappelle celle du chou pourri. Miam. Près de 11 tonnes de DMSP seraient ainsi dégradées chaque année en DMS par les gourmandes qui figurent parmi les organismes les plus abondants de la planète. Donc, en moyenne, une simple cuillère à café d'eau de mer contient un demi-million de bactéries de ce type. Or, le DMS volatile est connu pour favoriser la formation des nuages oxydés dans l'atmosphère et il donne une grande variété de composés sulfurés, dont l'acide sulfurique. Ce dernier a la capacité de former des aérosols qui se comportent comme des noyaux de condensation de nuages. Les gouttelettes d'eau ainsi formées réduisent la quantité de lumière frappant la surface océanique et terrestre et par conséquent modèrent la température ambiante. Aussi, la présence de ce gaz, ses variations atmosphériques et ses propriétés sur les nuages pourraient avoir un impact significatif sur le climat global de la Terre. Pour les chercheurs, il est désormais décisif de considérer ce groupe de bactéries marines dans les travaux d'amélioration des modèles expliquant l'impact du DMS sur le climat en vue d'optimiser les prédictions. Maintenant, le satellite qui voit à travers la forêt. Avec son antenne radar de 12 mètres, le satellite européen Biomass pourra littéralement voir à travers le feuillage, ce qui permettra de dénombrer les arbres. La performance n'est ni triviale, ce sera la première utilisation spatiale de la bande P de grande longueur d'onde, ni accessoire. Ces mesures devraient diviser par deux l'incertitude sur la quantité de carbone maintenue dans la biomasse des forêts de la planète, un élément important de la machine climatique. Le satellite Biomass, 7e mission d'exploration de la Terre de l'Agence spatiale européenne, sera lancé en 2021. Durant au moins 5 ans, cet instrument original construit par Airbus Defence and Space mesurera la biomasse des forêts de la planète afin d'évaluer les stocks et les flux de carbone. Ces données cruciales restent mal connues. L'incertitude sur la quantité de carbone stockée dans la biomasse est actuellement de l'ordre de 40%. L'objectif de la mission Biomass est de la réduire à 20%. C'est dans les régions équatoriales et tropicales qu'elle est la plus grande. En raison d'une forte biodiversité, la quantité d'arbres par espèce est en effet mal connue. Or, d'une espèce d'arbre à un autre, la quantité de carbone stockée n'est pas la même. Pour améliorer la connaissance du couvert végétal, le satellite embarquera donc un radar à synthèse d'ouverture en bande P, mesurant 12 mètres. Qui fournira des observations interférométriques et polarimétriques des forêts pour la première fois en continu. La taille de cette antenne s'explique par la nécessité d'observation radar dans de grandes longueurs d'onde. On parle de 30 cm à 1 mètre pour biomasse, pour voir à travers le feuillage et estimer le nombre d'arbres. Une mesure indispensable pour mesurer la quantité de biomasse à l'échelle de la planète et donc quantifier le carbone contenu dans la masse végétale. C'est pourquoi les satellites radar de la famille Sentinel-1 du programme Copernicus ne peuvent pas être utilisés pour cette tâche. Le radar, en effet, utilise la bande C, dont la longueur d'onde de 5 cm est beaucoup trop courte pour traverser le feuillage. Biomass pourra également repérer les réserves d'eau fossiles dans les régions désertiques afin d'y trouver de nouvelles sources. Le satellite contribuera aussi à l'étude de la dynamique des masses glaciaires. Il nous renseignera sur l'état de la fonte des glaces et de la calotte glaciaire et il évaluera la quantité de glace au pôle. Enfin, puisqu'il est capable d'observer le sol à travers la canopée, Biomass fournira également des cartes altimétriques qui amélioreront les modèles d'élévation numérique actuels dans les zones fortement boisées. Ce sera la première fois qu'un radar en bande P est utilisé depuis l'espace par un satellite civil. Du coup, on ne sait pas trop ce qu'on va voir et si les données de biomasse pourront être utilisées dans d'autres domaines scientifiques, comme l'archéologie par exemple. Et il y a quelques années, un instrument expérimental en bande P avait été installé sur la Station spatiale internationale et avait permis d'observer dans des zones désertiques des sites antiques. On rappelle que le regard de biomasse semble trop perçant pour l'armée des États-Unis. Il exploite en effet des fréquences similaires à celles utilisées par les radars militaires américains en Amérique du Nord et en Europe. De ce fait, à la demande des militaires, les mesures seront impossibles au-dessus de ces deux régions. Un article de Futura Science. Pour la première fois maintenant, les chercheurs, on reste dans les arbres en fait, les chercheurs ont observé des arbres qui reposaient leurs branches la nuit en les abaissant de 10 cm environ. Ces changements physiques évoquent une forme de sommeil ou un cycle jour-nuit déjà observé chez les plantes plus petites. Le jour, les arbres dressent leurs branches et leurs feuilles pour capter au mieux la lumière du soleil nécessaire à la photosynthèse. Et la nuit, reste-t-il vraiment immobile? Pour le savoir, les chercheurs ont étudié les mouvements de deux arbres des bouleaux Betula pendula, l'un en Autriche et l'autre en Finlande, grâce à des scanners utilisant des rayons laser. Les chercheurs ont mesuré le mouvement des arbres en trois dimensions avec une résolution de quelques centimètres. D'après Etu Putonen, le principal auteur de ces travaux, basé au Finnish Geospatial Research Institute à Masala en Finlande, je cite, ces études ont seulement été faites auparavant avec de petites plantes, mais ici, il était possible de le faire à l'extérieur avec des arbres à maturité. Les chercheurs ont réalisé 11 scans de l'arbre finlandais, environ un par heure, et 77 de l'arbre autrichien, environ un toutes les 10 minutes. Ils ont préféré des scans laser plutôt que des photographies afin de ne pas illuminer les arbres, ce qui aurait pu modifier les résultats. Ces expériences ont été réalisées lors de nuits calmes pour éviter l'effet du vent et au moment de l'équinoxe dans les deux pays pour que la durée de la nuit soit à peu près la même. Les résultats paraissent dans la revue Frontiers in Plant Science. Les deux arbres avaient des profils de mouvement comparables avec les mouvements maximaux 1h30 avant le lever du soleil en Autriche et aux alentours du lever du soleil en Finlande. Les résultats mettent en évidence des mouvements verticaux de 5 à 10 cm sur l'arbre finlandais. Les données autrichiennes donnent un maximum de mouvement de 10 cm. Comme l'explique Andras Slinski du Centre de recherche écologique à Tiani en Hongrie, je cite « Jusque-là, personne n'avait observé cet effet à l'échelle des arbres entiers et j'ai été surpris par l'ampleur des changements. » L'affaissement des branches est probablement dû à une diminution de la pression de l'eau dans les cellules de la plante. En effet, cette pression de turgescence est influencée par la photosynthèse, or celle-ci s'arrête à l'obscurité. La journée, les branches et les feuilles doivent être maintenues en hauteur pour que ces dernières captent plus de lumière du soleil, mais la nuit, l'arbre peut se reposer. L'équipe envisage d'ailleurs d'étudier d'autres espèces. La compréhension de la façon dont les arbres gèrent leur eau permet de mieux connaître les végétaux. Les scientifiques savent, par exemple, que si leur bois est trop sec, le bois des arbres, les arbres ont tendance à tomber. Voilà. Votre pression sanguine dépend de la latitude où vous habitez. La distance à laquelle vous vous trouvez de l'équateur influence votre pression sanguine. C'est ce que montre une étude réalisée au Chili, un pays particulièrement étendu en latitude où les personnes les plus éloignées de l'équateur avaient des pressions artérielles plus élevées. La pression sanguine et la fréquence de l'hypertension varient dans le monde, mais quels facteurs pourraient expliquer ces disparités géographiques? Pour savoir si la latitude, l'ensoleillement, la température ont quelque chose à voir avec la pression artérielle, les chercheurs de l'Université du Chili à Santiago et de l'hôpital universitaire de Birmingham se sont intéressés à la population du Chili. En effet, ce pays est particulièrement allongé du nord au sud sur 4250 km et il possède une population assez homogène sur toute sa longueur. Les chercheurs ont analysé les données de 4600 adultes qui étaient suivis dans le cadre de la Chilean Health Survey 2009-2010. Leur pression sanguine a été mesurée à leur domicile le matin. D'après les résultats parus dans la revue American Journal of Epidemiology, la pression systolique des personnes vivant le plus au sud du Chili était en moyenne de 5 mm plus élevée que celle qui vivait le plus au nord. Le lien entre la pression sanguine et la latitude se maintenait même après avoir ajusté les résultats en fonction de différents facteurs comme l'âge, le sexe, les revenus, le tabagisme, la consommation de fruits et légumes, le sel, l'alcool, le poids, l'activité physique, les antécédents de diabète ou les problèmes cardiaques. Globalement, pour 1 degré d'augmentation de latitude, la pression systolique augmentait de 0,1 mm de mercure. Certes, ces changements sont légers, c'est pourquoi il faut de longues distances pour observer des différences dans la population. L'étude a aussi trouvé que 37% des personnes qui vivent le plus au sud du Chili avaient des pressions sanguines suffisamment élevées pour diagnostiquer une hypertension. Chez ceux qui vivaient le plus au nord, seulement 29% souffraient d'hypertension. Mais il n'y avait pas de relation claire entre la pression sanguine et les radiations du soleil ou la température ambiante. Les raisons pour lesquelles la latitude influencerait la pression sanguine ne sont pas claires. D'autres études ont suggéré que les apports en sel, la durée du jour, le sommeil et les niveaux de vitamine D pourraient jouer un rôle. Il existe aussi de plus en plus de preuves indiquant que les UV réduisent la pression sanguine, probablement en augmentant la libération de monoxyde d'azote, une molécule qui stimule la vasodilatation. D'autres explications seraient que le fait de vivre près de l'équateur favorise un mode de vie plus actif ou une alimentation plus saine, mais ces facteurs ont été pris en compte dans l'étude. Grâce au gallium, l'adhésif du futur se décollerait à volonté. Et si les adhésifs du futur présentaient un reflet métallique? C'est ce que proposent des chercheurs allemands. Ils sont parvenus à concevoir un qui soit réversible grâce au gallium. Ils envisagent déjà de l'utiliser dans des situations aussi diverses que la manipulation d'échantillons biologiques sensibles ou celle de pièces industrielles délicates. Le gallium a de particulier qu'il présente une température de fusion, donc le passage de l'état solide à l'état liquide, extrêmement basse. Ainsi, en dessous de 30 degrés Celsius, le gallium est un métal solide. Au-dessus, il devient liquide. Les chercheurs du Max Planck Institute for Intelligent Systems de Stuttgart, en Allemagne, ont exploité cette propriété étonnante pour produire un adhésif réversible. En faisant varier légèrement la température du gallium autour de 30 degrés Celsius, ils ont été capables de contrôler son pouvoir adhésif. car en théorie, il suffit de glisser une goutte de gallium entre deux objets et de la refroidir légèrement en dessous de 30 degrés Celsius pour qu'elle se solidifie et forme un point de colle entre les objets. Pour les séparer, il suffit alors de chauffer le gallium un peu au-dessus de 30 degrés Celsius pour que celui-ci reprenne sa forme liquide. Dans leurs expériences, les chercheurs allemands ont déposé du gallium liquide sur la pointe d'une tige d'élastomère de 2 mm de diamètre, puis ils ont mis cette pointe au contact de différents matériaux comme du verre, du plastique et de l'or. Résultat, refroidi à 23 degrés Celsius, le gallium a formé un lien solide entre l'élastomère et chacun des matériaux testés. Les chercheurs du Max Planck Institute ont également testé le gallium sur des surfaces rugueuses et ou humides. En effet, les adhésifs irréversibles micro ou nanostructurés développés récemment ont bien du mal à faire leurs preuves sur ces surfaces. Leur pouvoir d'adhésion met à mal leur réversibilité. Cependant, cela n'est pas le cas du gallium, mais les chercheurs allemands ont pu montrer que son efficacité tant en matière d'adhésion que de réversibilité, même si elle est légèrement réduite, reste amplement suffisante pour envisager bien des applications. Ces performances pourraient faire du gallium l'adhésif idéal pour des applications biologiques. Les chercheurs imaginent déjà l'utiliser pour déplacer des cellules, des échantillons de tissu ou même des organes en laboratoire ou au sein des hôpitaux. Le gallium pourrait également servir dans l'industrie, notamment lorsqu'il s'agit de manipuler des composants fragiles, comme de minuscules puces électroniques ou des membranes en graphène ultra fine. Ces composants pourraient être attrapés à l'aide de pinces enduites de gallium, puis déposés à l'endroit utile. Ce procédé d'assemblage est connu sous le nom de pick and place et se pratique aujourd'hui de façon bien moins délicate et beaucoup plus énergivore grâce à l'aspiration sous vide. Pour obtenir le chauffage et le refroidissement rapide nécessaires au succès de leur expérience, les chercheurs allemands ont eu recours à un module à effet Peltier et vous pouvez aller voir les détails sur cette formule sur assemblagerequis.com. Les pleurs des bébés finalement transforment, oui, le cerveau des parents. On le mentionnait en ouverture d'émission, des chercheurs canadiens se sont intéressés à ce qui se passe dans le cerveau des adultes lorsque le bébé pleure ou rit. L'étude montre une modification des fonctions cognitives des parents sous l'effet des cris de l'enfant. Si bébé pleure, c'est pour attirer l'attention des adultes puisqu'il a faim, qu'il a mal quelque part ou peut-être quelque chose comme ça. Ce phénomène qui favorise la survie infantile a été sélectionné par l'évolution. Mais que se passe-t-il au niveau du cerveau des parents lorsque leur rejeton pleure? Voici la question que se sont posées les chercheurs du département de la psychologie de l'Université de Toronto, en Ontario, au Canada. L'étude a porté sur l'effet des sons émis par des nourrissons sur le cerveau des adultes. Des enregistrements audio diffusaient des rires ou les pleurs d'un bébé. Ces sons ont été testés sur des adultes qui devaient accomplir une tâche induisant un conflit cognitif. Cet exercice consistait à identifier rapidement la couleur d'un mot imprimé en ignorant le sens du mot. Par exemple, le participant qui lit le mot « rouge » écrit en « vert » connaît un conflit cognitif parce que ça s'appelle l'effet Stroop. L'activité du cerveau a été suivie grâce à un électroencéphalogramme pour caractériser précisément l'effet des pleurs du bébé. Les chercheurs se sont focalisés sur des ondes particulières du cerveau, les ondes P200 et N450, qui sont respectivement associées à l'attention et la gestion de conflits cognitifs. Ces ondes sont intéressantes pour étudier l'effet Stroop au niveau du cerveau. Pour la première fois, cette recherche parue dans PLOS ONE décrit la dynamique neuronale qui explique l'influence particulière des pleurs de bébé sur le contrôle cognitif. Les résultats montrent que la performance au test est moins bonne lorsque l'adulte est distrait par des pleurs plutôt que par des rires. Les données cérébrales ont montré que lorsque le bébé pleure, l'attention pour exécuter la tâche est réduite et il y a aussi plus de conflits cognitifs lorsque l'enfant pleure que lorsqu'il rit. Les données d'électrophysiologie ont révélé que les pleurs plus que les rires ont réduit l'attention à la tâche avec P200 plus petite et ont augmenté le processus conflictuel cognitif avec N450 plus importante. P200 et N450 sont inversement reliés, ce qui suggère une relation réciproque entre l'attention et le conflit cognitif. En résumé, avec les pleurs du bébé, le conflit cognitif est le plus important et l'attention réduite. Les pleurs de bébé ne font donc pas qu'attirer l'attention de l'adulte, ils perturbent aussi ses fonctions exécutives, c'est-à-dire les processus cognitifs et neuronaux utilisés quotidiennement pour prendre des décisions. Le son particulier émis par le bébé qui pleure apprendrait aux parents comment concentrer davantage leur attention de manière spécifique. Voilà, c'est tout pour Merci Science. Les liens sont sur assemblagerequis.com comme toujours. Et maintenant, on va retourner en musique de jeux vidéo, cette fois-ci pour entendre un hommage à la musique du jeu de 2006 Twilight Princess dans la série des Zelda. Donc, c'est sur l'étiquette Game Chops et c'est l'artiste NRMN. Voilà. Avec une vidéo de Funips que vous pouvez aller voir sur assemblagerequis.com qui est assez cool. Donc Twilight Princess Remix par NRMN MPS, le Mathieu Planche Show sur CIFU. CIFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CIFOU? À Trois-Rivières, c'est le 89.1. L'artiste Dia Gumblick avec Dragon's Blade featuring GXSC Chatter et J-Red. Ouf! Avant d'entendre une pièce de Twilight Princess, un jeu de Zelda, bien sûr, par NRMN. Par NRMN, oui, voilà. On met sur le plan de show maintenant, ben, Colin, c'est Alex. Pourquoi est-ce que je prends des noms d'artistes aussi longs? Célix, c'est le bloc de tout ce qui est cool, nouveau et extrêmement intéressant. On commence par des nouvelles du futur cette semaine, avec des lunettes spéciales pour améliorer la vision d'un homme légalement aveugle. Un Winnipegois légalement aveugle pourra mieux voir grâce à des lunettes haute technologie spécialisées. Hein? Steven Stairs souffre de trois maladies dégénératives des yeux. Il voit 8% de ce que peut voir une personne avec une vision parfaite. Les lunettes en question sont fabriquées par eSight, une entreprise canadienne située à Toronto. Les lunettes de valeur de 15 000 $ sont équipées d'une caméra, d'un écran haute définition et d'un processeur vidéo qui est capable de capturer l'image et de l'améliorer en temps réel. Elle ressemble à des lunettes de soleil, mais chaque lentille est équipée d'une caméra vidéo haute définition. Les images captées par ces caméras sont intégrées en une seule image, dont Steven Stairs peut ajuster la couleur, le contraste et l'agrandissement. Steven Stairs a utilisé ses lunettes pour la première fois en octobre 2014. Il a par la suite lancé une campagne de sociofinancement sans grand succès. Une personne qui préfère demeurer anonyme lui a toutefois fait cadeau d'une paire de ses lunettes. N'est-ce pas une jolie petite histoire pour ce monsieur Steven Stairs, ou comme on l'appelle, Stéphane Escaillé en français. Un œil bionique maintenant dans le même domaine restaure la vue d'un homme malvoyant depuis 40 ans. Un Américain aveugle depuis 40 ans a recouvré la vue grâce à un implant bionique greffé dans l'un de ses deux yeux. L'évolution des technologies et de la chirurgie est capable aujourd'hui de réaliser ce que personne n'imaginait possible il y a encore quelques années. Le Texan John Jameson en est l'une des preuves. Cet Américain était malvoyant et même considéré comme légalement aveugle depuis 40 ans en raison d'une infection qui lui avait volé la vue. Mais une procédure de greffe oculaire d'un implant technologiquement avancé et fraîchement validé par la Food and Drug Administration américaine lui permet de voir à nouveau depuis quelques semaines. C'est l'épouse de John Jameson qui a suivi au fil des années les progrès de la science et de la médecine en matière d'œil bionique. Elle a surveillé le moment où la technologie serait suffisamment avancée pour que les autorités américaines permettent son utilisation, ce qui fut le cas en début d'année. Elle s'est ensuite mise en quête d'un chirurgien capable de réaliser l'opération nécessaire sur son mari et a trouvé un médecin, le docteur Christopher Shelby, basé à Shreveport, en Louisiane. L'opération a eu lieu en avril sur l'un des deux yeux de Jameson. Ce dernier explique avoir vu double durant quelques jours, le temps que son cerveau s'ajuste avec l'implant, mais sa situation s'améliore de jour en jour, faisant de cette opération un succès. Donc, deux bonnes nouvelles de suite. Maintenant, on change de partie du corps pour aller aux extrémités du haut. La main robotisée qui apprend toute seule. Pour un roboticien, reproduire les mouvements d'une main est un casse-tête. Pour mieux le résoudre, des chercheurs nord-américains ont créé une main robotisée qui s'est améliorée sa dextérité sans intervention humaine grâce à un algorithme d'apprentissage automatique. En robotique, donc, la main est l'une des parties les plus complexes à maîtriser. Il faut combiner un haut degré de mobilité, une réactivité et une précision susceptibles de s'approcher des performances d'une main humaine. De grands progrès ont été accomplis en ce qui concerne la dextérité, la vitesse, avec notamment une main robotisée imbattable au roche-papier-ciseaux dont on parlait il y a quelques semaines, ou encore la sensibilité au toucher. De nombreux gestes simples que nous effectuons quotidiennement avec nos mains restent de véritables gageures techniques pour les roboticiens. Cependant, rien n'est impossible, comme vient de démontrer une équipe de l'Université de Washington. Ces chercheurs ont conçu une main robotisée à 5 doigts qui fait montre d'une grande adresse. Surtout grâce à une intelligence artificielle, elle est capable d'améliorer sa dextérité sans intervention humaine. Pour concevoir cette Adroit Manipulation Platform, les experts de l'UW, donc la University of Washington, ont dû relever plusieurs défis, à commencer par la conception d'une main robotisée susceptible d'offrir une flexibilité et une réactivité à même d'imiter une main humaine. Pour cela, les chercheurs sont partis sur la base de la Shadow Dexterous Hand, un modèle de main artificielle fabriqué par l'entreprise britannique The Shadow Robot Company. Animée par un système pneumatique qui actionne 40 tendons, elle a une taille et une forme comparables à celle d'une main humaine et en reproduit tous les degrés de liberté. La version conçue par l'équipe de l'UW est extrêmement véloce. Dans cette vidéo de démonstration disponible sur YouTube, il ne faut que 2,44 secondes pour faire fonctionner toutes ses articulations les unes après les autres. Puis les chercheurs ont développé un algorithme d'apprentissage automatique, ce qu'on appelle en anglais le machine learning, permettant de modéliser les mouvements de mains complexes, impliquant les 5 doigts et de déterminer la combinaison la plus adaptée en fonction des tâches à accomplir, telles que taper sur un clavier ou lâcher un bâton et le rattraper en l'air. Après avoir été éprouvé sur un ordinateur, cette intelligence artificielle a été associée à la main artificielle pour la faire fonctionner en conditions réelles. Le fonctionnement est le suivant. Le système récolte les données émises par 130 capteurs et les caméras de capture de mouvement, puis les insère dans l'algorithme d'apprentissage automatique qui va ainsi affiner ses modèles existants. La vidéo montre comment, sans intervention extérieure, la main devient de plus en plus apte à faire tournoyer entre ses doigts un tube de plastique rempli de grains de café. La prochaine étape va consister à développer une capacité d'apprentissage plus étendue afin que la main robotisée puisse gérer des objets et des scénarios de manipulation dont elle n'a pas encore une connaissance préalable. Cette innovation peut potentiellement faire progresser la robotique dans de nombreux domaines tels que l'industrie, la manutention, la chirurgie ou les services à la personne. Le principal obstacle réside dans le coût de fabrication élevé de cette main qui avoisine les 300 000 $. Pour le moment, l'équipe de l'UW compte se concentrer sur le développement de sa plateforme et n'évoque pas de projet commercial. On reste dans les membres avec une équipe d'ingénieurs de Harvard qui a mis au point un exosquelette très léger et flexible destiné aux personnes à mobilité réduite. Est-ce que ce serait un pas vers le transhumanisme? L'amélioration de l'humain grâce aux technologies est en marche depuis déjà quelques années, mais avec des travaux comme celui de cette équipe d'ingénieurs de l'Institut Weiss à Harvard, les appareils permettant d'améliorer la mobilité des personnes handicapées deviennent de plus en plus simples à équiper. Et mieux encore, les appareils en question sont légers et discrets. L'Université Harvard collabore avec l'entreprise ReWalk Robotics sur un exosquelette flexible à portée proche du corps comme un vêtement. L'accord passé avec ReWalk va permettre d'accélérer la conception d'exosuits, donc des exo-habits fonctionnels qui pourront aider les patients ayant été victimes d'AVC ou atteints de sclérose en plaques à retrouver leur mobilité. L'exosquelette en question est le premier du genre. Il a nécessité plusieurs années de développement par une équipe composée de roboticiens, d'ingénieurs mécaniques et biomécaniques, d'ingénieurs logiciels, mais également de concepteurs de vêtements. Contrairement à la plupart des exosquelettes jusque-là présentés à destination des personnes à mobilité réduite, l'encombrement est moindre et l'appareil accompagne naturellement son porteur. Le prix de fabrication de tel appareil est également moins élevé que celui d'un exosquelette plus encombrant. Il y a un grand besoin de ce genre de système pour les personnes nécessitant une aide mécanique pour leur mobilité. Et leur collaboration va contribuer à créer la prochaine génération d'exosquelettes, ce qui permettra à la technologie de changer la qualité de vie de millions de patients à travers le monde, affirme le PDG de ReWalk. L'homme augmenté est en marche, même si ici, il ne s'agit pas d'un implant intégré au corps humain. Ce type d'exosquelette devrait être proposé aux patients à la mobilité des membres inférieurs réduite dans les prochaines années. On reste pour vrai dans le même domaine. C'est des liens, c'est pas croyable, avec un fauteuil roulant sur mesure qui est imprimé en 3D. C'est un fauteuil roulant qui n'est pas comme les autres imaginés par la société Layer Design. Le Go est imprimé en 3D, ce qui lui permet de s'adapter sur mesure à la morphologie et au handicap de la personne tout en ayant un look très stylisé. On dirait un genre de panier d'osier courbé. C'est quand même assez joli, mais gris à la place d'être brun. Donc, pour réaliser le siège et le repose-pied, la société scanne et analyse la morphologie de l'acheteur, analyse son handicap, sa position assise, pour ensuite imprimer en 3D un modèle unique. Le repose-pied est fait de titane, comme la plupart des barres du fauteuil, et le siège d'une résine combinée à un thermoplastique polyuréthane pour l'élasticité. Les rayons des roues sont en fibre de carbone et des gants s'adaptant parfaitement à la texture adhérente de la main courante. Des barres de poussée et de transfert ainsi que des protections latérales seront disponibles en option. Selon Gizmag, le fauteuil Go sera lancé officiellement à la Clerkenwell Design Week de Londres. Donc c'était hier le 24 mai pour ceux qui écoutent le mercredi. Le prix et la date de lancement n'ont pas été communiqués, mais la société affirme pouvoir fabriquer un fauteuil en moins de 2 semaines contre 6 à 8 pour les fauteuils roulants sur mesure classique. C'est en effet l'intérêt de l'impression 3D parce que chaque pièce peut être unique car la personnalisation se fait sur un logiciel, chaque modèle pouvant ainsi être un produit très différent du précédent objet imprimé. On reste en impression 3D et cette fois-ci assisté de laser pour des créations inédites. Des chercheurs de l'université Harvard aux États-Unis ont conçu une imprimante 3D de nouveau genre qui combine l'utilisation d'un jet de nanoparticules d'argent avec un laser. Le résultat est quand même impressionnant. L'impression 3D est une technologie additive, c'est-à-dire que c'est l'ajout successif de matières qui génère l'objet créé. Mais parfois, cette technologie se retrouve confrontée à des limitations au niveau des structures imprimées. Ainsi, une imprimante 3D classique ne peut éviter l'apparition de jointures disgracieuses sur certaines pièces. Avec le prototype conçu par les chercheurs de Harvard, ce genre de désagrément n'existe plus. Il fonctionne avec une pointe fine délivrant des nanoparticules d'argent, pointe qui se déplace aussi bien sur un plan que verticalement. Et c'est là qu'intervient le laser qui va chauffer et figer l'argent instantanément, ce qui autorise des structures 3D sans jointure. Évidemment, l'utilisation d'argent rend cette prouesse uniquement valable en laboratoire pour le moment, mais les chercheurs comptent bien trouver un moyen de promouvoir leur invention à plus grande échelle. Allez voir la petite vidéo de démonstration sur assemblagerequis.com. On va y aller rapidement sur celui-là. C'est un gamer amputé qui a reçu une prothèse inspirée par Metal Gear Solid avec un port USB, un affichage, un drone sur l'épaule. C'est incroyable, c'est James Young qui montre ce bras-là qui a été construit pour lui, inspiré par le bras de Big Boss dans Metal Gear Solid 5, avec des ports pour charger son téléphone cellulaire, un petit moniteur, lumière, un drone attaché à l'épaule, comme je disais. Il peut contrôler le bras en utilisant les signaux de son muscle. Il peut te serrer la main, il peut ramasser les pièces de monnaie, il y a une montre intelligente dans le bras, par USB pour recharger n'importe quoi, 120 000 $ de coût qui a été nécessaire pour construire ça. Allez voir les photos, c'est assez cocasse, il a l'air vraiment d'un Android, comme on pourrait dire. La grosse nouvelle de la semaine, quand même assez connue comme nouvelle, mais j'en parle parce que ça m'intéresse d'en parler. C'est un piéton qui serait percuté et qui pourrait rester collé à la carrosserie, selon un brevet de Google. Le géant Internet américain Google a déposé aux États-Unis le brevet d'une substance adhésive susceptible d'être appliquée sur la carrosserie de ses voitures autonomes afin qu'un piéton percuté, reste collé au véhicule au lieu de rebondir dessus. Le brevet précise qu'une couche spéciale pourrait enduire le capot ainsi que les pare-chocs avant et éventuellement les ailes de l'avant du véhicule. En cas de choc, elle se briserait pour exposer une surface collante ayant un effet similaire à du papier tue-mouche pour insectes volants, donc le piéton resterait collé au véhicule. Le document est daté du 17 mai et précise que la demande d'enregistrement du brevet émane de Google. Selon l'argumentaire de Google, les piétons percutés par les véhicules subissent des blessures supplémentaires en étant fauchés ou en heurtant la route ou d'autres objets. Les voitures autonomes pourraient circuler sur le réseau routier d'ici 5 ans, est indiqué en début de mois Sergio Martione, patron du constructeur automobile Fiat Chrysler, peu après la signature d'un gros contrat en la matière avec Alphabet, qui est la maison mère de Google. Alphabet a annoncé début mai avoir commandé 100 d'exemplaires du monospace hybride Chrysler Pacifica pour plus que doubler la flotte servant au test de son projet de voiture sans chauffeur Google Car. Google a commencé à tester la technologie de conduite autonome en 2009 avec une Toyota Prius. Il compte désormais quelques 70 véhicules de plusieurs marques, dont sa propre voiture conçue à l'interne présentée en 2014. On reste chez Google qui paie des conducteurs américains pour tester ses voitures autonomes. Google accélère les tests de voitures autonomes. L'entreprise propose à des habitants de Chandler, dans l'Arizona, de s'installer dans les véhicules et de ne conduire eux-mêmes qu'en dernier recours, le tout étant rémunéré. 20$ de l'heure pour monter dans une voiture autonome et ne pas conduire. C'est la proposition faite par Google à des habitants de l'Arizona. Reste qu'avant de postuler, c'est les conducteurs attirés par la voiture autonome de l'entreprise doivent avoir une importante donnée en tête. Google attend de ses pilotes qu'ils soient dans le véhicule, une Lexus modifiée, entre 6 à 8 heures par jour, et ce pour une durée de 12 à 24 mois. Il ne s'agit donc pas de disposer d'un véhicule sans conducteur à tester sur des trajets quotidiens, mais d'un véritable travail réalisé en paire, en binôme. Une personne est sur le siège conducteur, prête à prendre la main à tout moment sur le système automatique, tandis que l'autre personne est sur le siège passager, en charge de prendre des notes. À la fin de la journée, le rapport est remis aux ingénieurs de Google en charge du perfectionnement des véhicules. Si ça vous intéresse, donc, allez voir l'article sur assemblagerequis.com. Il y a d'autres détails qui sont mentionnés dans l'article, mais je les saute. Toujours chez Google, on veut commercialiser en 2017 le téléphone en kit ARA. Le géant Internet Google donc, prévoit lancer l'année prochaine sur le marché grand public un téléphone en kit qui avait déjà été annoncé au début de 2015 sous le nom de Projet ARA. On avait déjà parlé de ça à l'émission ici. Donc ARA est un téléphone modulaire avec une structure de base sur laquelle l'utilisateur peut assembler avec des électro-aimants comme sur un jeu de construction des modules de différentes couleurs et fonctionnalités, appareils photo, capteurs, haut-parleurs, etc. Donc lorsque le premier prototype avait été dévoilé début mars 2015 lors du congrès mondial de la téléphonie mobile à Barcelone, Google avait déjà dit espérer créer une véritable industrie autour de ce nouveau modèle qui offrirait, selon lui, un accès plus facile à Internet aux habitants des pays émergents. Le prix de vente n'a pas encore été dit, mais le groupe avait évoqué à l'époque un coût de production démarrant à $50 pour un modèle d'entrée de gamme. Il avait aussi promis un test grandeur nature avant la fin de 2015 à Porto Rico, mais ça ne s'est jamais concrétisé. On va évidemment suivre le dossier. Maintenant, un autre projet de Google. Beaucoup de nouvelles de ce côté-là. C'est le projet Magenta. Google qui veut créer une artiste avec intelligence artificielle. Un artiste, si on veut. Donc, Google s'apprête à débuter un programme de recherche visant à entraîner une intelligence artificielle à développer un sens artistique. Magenta, ce programme, va élaborer des modèles d'apprentissage profonds qui permettront de créer de la musique, des vidéos artistiques avant de s'attaquer à d'autres arts visuels. Un algorithme parviendra-t-il un jour à faire preuve d'une véritable créativité? Après avoir fait de son programme d'intelligence artificielle un champion du jeu de Go il y a quelques mois, on va tenter chez Google d'en faire un artiste accompli. À l'occasion du MoogFest, festival de musique et de technologie qui s'est déroulé il y a quelques jours, l'entreprise a en effet dévoilé un tout nouveau projet de recherche baptisé Magenta. Le projet est mené par une équipe de 6 chercheurs au sein du groupe Google Brain. C'est le programme de recherche en apprentissage profond qu'on appelle le Deep Learning, qui est utilisé notamment pour créer des recommandations de vidéos sur YouTube et pour la reconnaissance vocale sur Android. L'idée d'explorer les capacités artistiques de l'intelligence artificielle a pour origine Deep Dream, un logiciel de reconnaissance d'images conçu par Google et qui est capable de créer des images surréalistes selon le principe de pareidolie. On a parlé de ça il y a quelques semaines à l'émission. Une illusion d'optique, oui, à travers laquelle on voit apparaître des formes humaines ou animales dans des formes aléatoires, comme la tête de Louis XVI. Dans la vallée de Lubé, dans les Alpes du Sud, un visage sur le relief martien Sidonia Mansé, etc. Donc les internautes peuvent d'ailleurs s'amuser à tester Deep Dream en lui soumettant une photo de leur choix sur le site qui est en lien sur assemblagerequis.com. Donc le développement des modèles d'apprentissage profond de Magenta se fera sur la base de la plateforme d'intelligence artificielle open source TensorFlow de Google. L'objectif final est de mettre à disposition du public intéressé des outils qui aideront les personnes créatives à être encore plus créatives. Les algorithmes issus du projet Magenta seront ainsi disponibles via GitHub. Le programme commencerait par la musique et Google a profité du MoogFest pour faire une courte démonstration des talents de compositeur de son intelligence artificielle que l'on peut entendre dans une petite vidéo sur YouTube. Le premier outil qui sera rendu public est un programme d'apprentissage de musique qui pourra être entraîné à partir de fichiers MIDI, mais pour le moment, le résultat final qui sortira de Magenta est encore bien flou et incertain. Allez voir tout ça sur assemblagerequis.com, comme toujours. On continue encore avec Google et Levi's, partenaire pour une veste connectée. Google et Levi's qui s'associent pour le projet Jacquard, qui désigne un prototype de veste connectée permettant d'interagir avec certaines fonctions du smartphone sans avoir besoin de le sortir de sa poche. Google et Levi's ont donc annoncé durant la conférence Google I.O. 2016 leur intention de collaborer pour concevoir une veste connectée commercialisée durant l'année 2017. Un vêtement qui s'illustre dans une vidéo, évidemment sur le site, qui en vante les mérites. Suivant la démarche des vêtements connectés développés par d'autres entreprises, Google et Levi's utilisent des technologies permettant de mêler des circuits imprimés au fil des coutures de la veste, ainsi que des capteurs intégrés pour permettre de réaliser différentes commandes mobiles par l'intermédiaire de la veste. La démarche est relativement similaire à ce qu'on peut proposer, par exemple, avec un bracelet ou une montre connectée, donc accéder à des fonctionnalités sans sortir son téléphone de sa poche. Répondre à un appel en appuyant sur son poignet, changer de chanson au corps d'une playlist, activer Google Maps en commande vocale. La vidéo présentée par Levi's et Google montre un cycliste qui a plus d'un tour dans sa manche. Parmi les applications partenaires, on trouve d'ores et déjà Spotify, Strava et Google Maps. Google compte bien proposer une API aux développeurs avant de sortir la veste pour étoffer le nombre de services compatibles. On ne connaît pas encore le prix de cette future veste qui fera partie de la collection Commuter de Levi's. On imagine que Google ne manquera pas de communiquer sur le sujet d'ici la sortie. Un article de Clubic.com. On a parlé un petit peu de ça dans la précédente chronique, dans la plus récente chronique, en fait, de Ça existe, mais ça ne devrait pas, on l'a dans le cadre d'Assemblage requis les mardis après-midi. C'est un monde sans frontières linguistiques grâce au Pilot. Dans un monde de plus en plus global et connecté, il arrive souvent de croiser virtuellement ou non des personnes ne parlant pas notre langue. Pilot, un projet en cours de réalisation, veut changer les règles et offrir une communication sans limite, quelle que soit votre langue maternelle ou celle de votre interlocuteur. Alors que Google Translate est capable du meilleur comme du pire, les solutions pour traduire en temps réel vocalement des phrases dans une langue étrangère ne sont pas encore légion, nous dit branchez-vous.com. L'application de Google, déjà très avancée, offre plusieurs options de traduction, soit cadrer un texte à l'aide de la caméra de son téléphone afin d'en traduire le contenu, saisir le texte via son clavier, traduction automatique avec reconnaissance vocale dans les deux sens. Si vous n'avez pas aussi accès à Internet, ce seront tout de même les 52 langues qui seront accessibles hors connexion en saisissant du texte à la main. Bref, concurrencer Google ne sera pas chose facile. Pourtant, les concepteurs de Waverly Labs comptent bien changer les choses en proposant non pas un nombre supérieur de langues traduites, mais bien une façon plus conviviale et sociale de les traduire et les pratiquer. Grâce à un ou deux écouteurs boutons nommés Pilot et de téléphone intelligent, connecté ou non, vous pourrez comprendre tout ce qui se dit autour de vous sans effort. Les écouteurs entendent les phrases prononcées dans votre entourage proche et les traduisent grâce à une voix synthétisée instantanément dans votre oreille. L'idée est née dans la tête du fondateur et PDG de l'entreprise, l'Américain Andrew Ochoa, lorsque ce dernier a rencontré une Française, une certaine Elodie. L'histoire ne raconte pas la suite, mais la barrière des langues a définitivement dû provoquer chez lui une inénarrable envie de communiquer plus efficacement avec elle. Allez voir les détails sur comment ça fonctionne et sur la création de tout ça, les prix sur assemblagerequis.com. Présentement, on demande sur Indiegogo entre 249 et 299 $ pour les early adopters, pour ceux qui l'adoptent tout de suite. C'est bien ça? Il obtenait des rabais afin de précommander l'oreillette pour $129 américains lors de la première livraison à $149 US lors de la seconde. Bref, c'est compliqué, les trucs de sociofinancement, donc allez voir ça sur assemblagerequis.com. Lancé en 2010 par les autorités chinoises, le Straddling Bus est un concept de bus-tunnel électrique sur rail sur lequel les voitures peuvent circuler. Un engin étonnant qui est présenté comme une alternative au métro. Il serait moins onéreux à déployer et permettrait d'éviter les embouteillages monstres qui paralysent les grandes villes du pays. Un bus donc de ville capable de transporter jusqu'à 1400 passagers en circulant non pas sur, mais au-dessus de la route. L'idée qu'on pourrait croire toute droit sortie d'un récit de science-fiction, comme tous les articles disent, est sur le point de se concrétiser en Chine. Donc c'est le Straddling Bus, qu'on peut traduire par un bus chevauchant, qui est un véhicule de transport en commun, tout nouveau genre. On peut le décrire comme un bus dont la largeur de 7,8 mètres occuperait l'équivalent de deux voies de circulation. L'engin est perché à 2,2 mètres et il roule sur des rails intégrés de part et d'autre de la chaussée, un enjambeur géant en quelque sorte. La largeur et la hauteur sont suffisantes pour que les voitures pour que les voitures circulant sur deux voies parallèles puissent passer sous l'autobus comme si elles traversaient un tunnel. Ce bus électrique à accordéon aura une vitesse maximale de 60 km/h, une solution moins onéreuse que la création de lignes de métro. Selon l'ingénieur qui a imaginé ce bus du futur, son coût n'excéderait pas 15% celui des métros. D'après lui, un Straddling Bus pourrait remplacer 40 bus classiques et ainsi réduire la consommation annuelle de carburant de 800 tonnes et les émissions de carbone de près de 2500 tonnes. L'intérêt écologique semble évident alors que de nombreuses villes chinoises étouffent littéralement sous les émissions polluantes provoquées principalement par les industries et la circulation routière. Un bus qui a été imaginé pendant plus de 45 ans, allez voir le reste des détails dans l'article sur le site. Et finalement, parlons de train Hyperloop. Vous connaissez le train Hyperloop, on a parlé de ça il y a quoi, je crois, deux semaines. Le matériau du bouclier de Captain America a été utilisé pour construire les navettes de transport. Le Shield est-il au courant? Nous demande-t-on sur Quebec.com. Pour fabriquer ces capsules de transport, Hyperloop Transport Technologies compte utiliser un nouveau matériau nommé le Vibranium, un nom que connaissent bien les amateurs de Comics Marvel. Un nouveau moyen de transport, nouveau matériau, en l'occurrence du côté de Hyperloop Transport Technologies, il s'agit d'un nouveau type de fibre de carbone intégrant des capteurs, qui s'appelle donc le Vibranium. C'est pour les fans de Marvel, ou qui ont vu le plus récent Captain America Civil War au cinéma. Dans cet univers de fiction, le Vibranium est le matériau qui compose en grande partie l'indestructible bouclier étoilé de Captain America. Sa première apparition dans les comics date de 1966. Dans la fiction, il s'agissait d'un matériau très rare venu de Wakanda, le pays de Black Panther. Interrogé par The Verge, Dirk Halborn, le chef de file de HTT, a confirmé que le nom était directement inspiré du matériau de l'univers de Marvel. Dans la réalité, le Vibranium ne sera pas utilisé par HTT pour fabriquer des armes pour les Avengers. Il s'agit d'un revêtement double couche destiné aux navettes de transport dans l'optique de protéger au maximum les passagers à l'intérieur. HTT explique que le Vibranium est 8 fois plus résistant que l'aluminium et 10 fois plus résistant que les alternatives en acier. Les capteurs embarqués au sein même du matériau permettent de transmettre des informations critiques en ce qui concerne la température, la stabilité, l'intégrité et bien plus, le tout sans fil et en temps réel. Un matériau donc intelligent qui doit permettre de renforcer la sécurité des passagers et de ce transport en commun du futur. Hyperloop Transport Technologies travaille notamment sur un projet de circuit reliant les villes de Vienne, Bratislava et Budapest en Europe. Voilà pour ce bloc de CNX, nouvelles du futur. On est rendu, Colin, il était temps, ça fait longtemps que j'en parle, ça fait plus de deux semaines, je vous dirais. On va entendre la collection Smooth McGroove Remixed, offerte par Game Chops, à demande générale de notre public. Donc Smooth McGroove Remixed, en 14 pièces, c'est des pièces mettant en vedette la voix de Smooth McGroove que vous connaissez sûrement sur YouTube. En fait, pour ceux qui ne connaissent pas Smooth McGroove de YouTube, je vais vous faire entendre un extrait original dans quelques instants de sa chaîne YouTube avant de commencer la série. Donc, je disais 14 artistes qui remixent des chansons de Smooth McGroove qui sont inspirées de Legend of Zelda, Smash Brothers, Sonic the Hedgehog, Mega Man et plusieurs autres. Il y a 10 producteurs qui ont collaboré pour cette compilation-là en utilisant les versions a cappella de chansons de jeux vidéo, en ajoutant de la musique style EDM, donc Electronic Dance Music. Donc, pour commencer, comme je disais, une pièce neutre de Smooth McGroove pour entendre de quoi ça a l'air pour ceux qui ne connaissent pas. C'est une pièce de Super Mario World 2, Yoshi's Island. Au Mathieu Plante Show tout de suite. Ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba Pour l'écouter. C'est fou. Que je passerai de ces bouts EDM, drop the beat, dubstep, de whatever. On va entendre James Lanino avec Dark World, une pièce remixée de Linked to the Past. Alors ça, Hyper Potions et Chemical Plant Zone du jeu Sonic the Hedgehog. Et avant, au tout début, c'était James Lanino avec Melee du jeu Smash Bros. Smash Brothers, bien sûr. Il reste d'autres jeux à entendre, Mega Man, Donkey Kong Country, Final Fantasy, Chrono Trigger, Xenogears, Metroid, F-Zero, Super Mario en général, Ocarina of Time, Little Big Planet, Minecraft. Tout ça avec différents artistes, c'est la trame sonore, le disque Smooth McGroove Remix que vous pouvez vous procurer sur Louder, iTunes et Google Play en allant sur gamechops.com/SmoothMcGrooveRemix avec des traits d'union entre chaque. Sinon, passez donc par le site de l'émission, c'est assemblagerequis.com. Avant de terminer avec cette fête Academy, parce que je veux avoir le temps de finir avec ça, faut y aller avec un dernier petit bloc de CNX parce que je voulais vous avertir de quelque chose. Mon collègue Jean-Philippe Charbonneau, directeur général Manitou de Cifou 89.1 FM, maison de campus, a vécu cette histoire-là à la maison. Microsoft est passé à la vitesse supérieure pour pousser les gens à migrer sous Windows 10. Donc, nouvelle évolution de son processus incitatif, c'est de programmer une date et une heure de mise à jour automatique. Oui. On sait que depuis début février, Microsoft a placé son Windows 10 dans la liste des mises à jour recommandées. Donc, le géant de Redmond s'autorisait ainsi à installer automatiquement son nouveau système sur les précédentes versions de son OS, soit Windows 7 et Windows 8. Jusqu'à présent, la fenêtre pop-up mise en place par Microsoft était pourvue de deux boutons. Un bouton « Mettre à jour maintenant » et un bouton « Commencer le téléchargement et mettre à jour plus tard ». Donc, c'est oui ou oui, mais plus tard. Donc, t'avais pas vraiment de nom. Il était comme caché en dessous. Aujourd'hui, l'éditeur transforme encore son message pour pousser davantage la migration. D'après Tom's Hardware, la fenêtre en question propose, entre guillemets, désormais une heure et une date de migration auxquelles, sans action, Windows 10 va être installé automatiquement. Comme l'a toujours promis Microsoft, il reste possible d'interrompre le processus en cliquant sur un tout petit lien qui est beaucoup moins visible. Hein? Si vous souhaitez conserver votre version de Windows, on vous invite à consulter la page pour éviter l'installation automatique de Windows 10. Le lien sur assemblagerequis.com. D'ailleurs, pour aller à l'encontre de tous les bons principes, de toutes mes philosophies de vie finalement, Microsoft a décidé de renforcer l'aspect commercial du menu démarrer. Vous allez avoir plus de pubs dans votre menu démarrer dorénavant. C'est-tu pas le fun, hein? 10 pubs au lieu de 5. De 5 emplacements publicitaires dans le menu démarrer, Microsoft a décidé de passer à 10. Les fabricants OEM, donc ceux qui fabriquent des ordinateurs qui ramassent les pièces ensemble, vont pouvoir donc afficher 10 tuiles promotionnelles menant soit vers les applications préinstallées, soit vers d'autres applications disponibles sur le Windows Store. Une nouveauté qui va faire son apparition avec la mise à jour anniversaire qui va sortir en juillet. Le nombre de logiciels statiques sera rabaissé, lui, de 17 à 12. Avec 300 millions d'installations actives, évidemment, sont forcés par le téléchargement automatisé. Et un objectif de 1 milliard, la visibilité de ces annonces est colossale. On comprend que Microsoft veuille tirer profit de ça, mais justement, ça va contre tellement mes principes à moi, contre, j'espère, les principes de plusieurs d'entre vous. C'est pour ça qu'on paye un petit peu plus cher sur les Mac chez les produits Apple, c'est qu'on n'a pas de petits collants sur notre portable, on n'a pas de publicité pop-up qui nous agresse. Ah, joue donc à Bejeweled, etc., etc. D'ailleurs, Google qui veut faire plus de place à la publicité, je vous en parle en bref, mais le géant internet américain Google veut faire plus de place à la publicité sur certains de ses produits vedettes comme son moteur de recherche ou sur l'application Google Maps. Ils ont annoncé une série de changements dans leurs produits à venir à destination des annonceurs publicitaires. Ça va rentrer en vigueur plus tard cette année. On dit vouloir mieux les adapter aux utilisateurs mobiles, en particulier ceux qui sont connectés à Internet depuis un téléphone intelligent. Donc, vous allez avoir des publicités dans vos produits Microsoft et Google. Motadine que ça me rend pas nostalgique de cette belle époque-là. Hein? Voilà pour le reste de CNX. Je voulais faire ces nouvelles-là tout de suite parce que ce sera daté pour la semaine prochaine. Ça n'aurait pas vraiment eu de rapport. On va passer maintenant à la chronique C'est un fait Tech Edition. Et c'est là que je chante. Attention. Ça va durer 2 minutes. Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Tech Edition! Des choses que tu sais pas, des choses que je sais pas, c'est un fait. C'est un fait. Tech Edition! Ça va être vraiment très rapide comme c'est un fait, Tech Edition, parce qu'il nous reste comme genre 2-3 minutes à l'émission d'aujourd'hui. On est dans les choses qui se sont passées dans l'histoire, à travers l'histoire. On commence par le 22 avril, c'est là qu'on était rendu la dernière fois. En 1993, NCSA Mosaic 1.0 est sorti. C'est devenu le premier furteur web à être populaire dans le public. En 2000, le Big Number Change au Royaume-Uni, ça a changé les numéros de téléphone et comment ils étaient composés. Un peu comme ici, on a commencé à mettre les codes régionales dans les années 2000. C'était un petit peu la même chose au Royaume-Uni. Il y avait trop d'appareils mobiles, donc on a épuisé tous les numéros possibles. On a besoin d'augmenter le nombre de chiffres dans le numéro de téléphone pour augmenter le nombre de numéros possibles. Le 23 avril, en 1940, un brevet a été accepté pour Herman Anthony et son Leak-Proof Dry Cell Battery. Donc le brevet qui a été assigné à Rayovac, donc c'était pour une batterie à l'épreuve des fuites. En 2005, à 20h27, Joel Karim, un des cofondateurs de YouTube, a uploadé, téléversé la vidéo Me at the Zoo. Ça a été la première vidéo envoyée sur YouTube. Félicitations, c'était donc le 23 avril. Ensuite, le 24 avril, en 1981, à une réunion nommée Apple II Forever, Apple a présenté le portable Apple IIc. La machine venait avec 128 kilobits de RAM et un lecteur de disquette 5 pouces et quart. Hein? En 2015, l'Apple Watch a commencé à être envoyé. On pouvait l'acheter dans les magasins de haute mode, alors que les magasins Apple, eux, en avaient aucun en stock. Les commandes en ligne ont commencé seulement via Apple. Le 25 avril, en 1961, on revient avec 2014, je vais sauter plein d'affaires. 2014, Microsoft a complété son acquisition de la compagnie Nokia, en fait, de sa branche sur les téléphones cellulaires. Nokia a gagné, a gardé. Les intérêts qu'ils avaient sur les cartes, donc les maps, la recherche et la business de l'infrastructure des réseaux, alors que Microsoft a pris ce qui était de téléphonique. Et là, on a appris récemment que Microsoft allait renvoyer plein de gens de chez Nokia. C'est sorti dans les grosses nouvelles cette semaine, c'est pour ça que j'en ai pas parlé. C'est bien triste pour les gens de chez Nokia. Ensuite, le 26 avril, en 1884, le New York Times a dit qu'il a envoyé du courrier par électricité allait être enquêté, une idée qui allait être enquêtée par le Post Office Committee de la US House, qui allait fournir donc des contrats avec des compagnies de télégraphes qui existaient déjà. L'article promettait que ça allait mener à des télégrammes qui allaient coûter 10 cents. Voilà. Ensuite, en 1999, Replay TV a commencé à envoyer son Digital Video Receiver qui pouvait faire pause et reculer la télé en direct et enregistrer les émissions à l'avance. Donc, on pouvait programmer l'émission enregistrée. Les modèles étaient capables de mettre 6 heures à 26 heures d'émissions enregistrées, dépendant de la qualité. En 2014, une équipe de personnes qui font de l'archéologie, je me rappelle jamais si c'est archéologue ou archéologue, en tout cas, engagé par Fuel Entertainment et Xbox Entertainment Studios, a découvert une pile de jeux Atari de E.T. Dans un terrain de Alamogordo, au Nouveau-Mexique. Les jeux ont été dompés 31 ans avant, quand le jeu était un flop dans les ventes. On se rappelle que Sam Girard nous en a parlé la semaine passée. 27 avril, la première souris en 1981 intégrée dans un ordinateur personnel a fait son apparition sur une station de travail de Xerox Star. En 1995, le département de la justice a poursuivi Microsoft pour empêcher l'achat de Intuit, disant que l'acquisition allait augmenter les prix et allait empêcher l'innovation. Intuit existe toujours, mais Microsoft Money n'existe plus depuis ce temps. En 1998, environ 8000 inscrits chez AOL ont joint le premier chat inter-espèce avec Coco le gorille. Donc Coco signait avec les doigts ses réponses. Penny Patterson faisait l'interprète et un facilitateur de AOL entrait les réponses dans l'ordinateur. 28 avril 2003, Apple ouvrait le iTunes Music Store avec 200 000 chansons, 99 cents chaque. Les chansons pouvaient être jouées sur des iPods et jusqu'à 3 Mac autorisés. Les gens sur Windows n'avaient pas de chance, mais les pièces pouvaient être brûlées, gravé sur le nombre de CD que vous vouliez. En 2003, Apple a présenté le iPod de 3e génération qui était plus mince avec le dock connector à la place d'avoir le port FireWire, et les contrôles du iPod sont devenus complètement touch à la place d'être des boutons physiques. 29 avril 2005, Apple sortait macOS 10.4 Tiger, et finalement le 30 avril, je dirais en 93, le CERN a sorti un communiqué de presse déclarant le protocole logiciel développé pour le World Wide Web qui allait être disponible pour le public dans le domaine public à partir de ce moment-là. Voilà pour cette fête Edition. Il est sur assemblagerequis.com. On va être rendu au mois de mai pour la prochaine fois. Je suis juste bien content d'avoir pu me débarrasser de ce contenu-là. Et nous, c'est tout pour le Mathieu Plante Show pour cette semaine. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis de 15h à 17h. Et on rappelle, les jeudis à partir de midi et les mardis à 10h. C'est bien ça, dans ma tête. Restez là pour Audiomatique pour les jours du mercredi. Allez voir la programmation sur site.ca. De la part de toute l'équipe fictive du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante, c'était Mathieu Plante, vous avez été planté. Et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye!